Chapitre 28e. Jeanne Barnard revint très triste à Highlier, mais non découragée par l'insuccès de sa tentative. Si M. Tomplin ne lui avait fourni aucune arme pour pénétrer le terrible mystère qu'elle voulait à tout prix connaître, elle se souvenait toutefois que M. Jebb avait été le promoteur de ses insinuations, et elle se promit de diriger dorénavant ses investigations de ce côté. Seulement, ne le connaissant que de nom, il lui fallait trouver un prétexte pour arriver jusqu'à lui et gagner sa confiance. Le temps pressait, car il ne restait plus que 100 francs à la courageuse femme, sur le billet de 1000 francs que son mari lui avait octroyé pour couvrir les frais de voyage. Mais elle vivait avec tant de frugalité et d'économie qu'elle n'était pas à la veille de se voir au bout de son léger rouleau. Il lui fallait, du reste, en agir ainsi, bien déterminée qu'elle était à ne retourner en Amérique qu'après avoir remué ciel et terre pour obtenir la réhabilitation de son père. Une semaine environ après son entrevue avec M. Tomplin, elle partit pour Hawthorpe. Elle se souvint d'y avoir reçu dans sa jeunesse les soins d'un vieux docteur appelé Jebb. En passant devant Fairview, où rien n'indiquait trace de vie, elle se décida à demander si les propriétaires étaient morts ou absents. Il lui fallut tirer vigoureusement à plusieurs reprises le cordon de la sonnette pour réussir à réveiller le concierge, plongé dans un sommeil aussi profond que devait l'être celui des habitants du château de la Belle au bois dormant. Elle apprit que Sir Everard, dont la santé laissait beaucoup à désirer, était parti avec sa fille pour le midi de la France et qu'il parlait même vaguement d'un séjour à Alger. Au reste, si vous désirez en savoir davantage, ajouta-t-il, vous n'avez qu'à vous adresser à la femme de charge, qui a mission de faire parvenir les lettres à Sir Everard. Ce à quoi Jeanne Barnard répondit qu'elle attendrait leur retour. Tout en continuant sa marche vers Hawthorpe, elle se demandait si ce voyage avait été réellement entrepris par raison de santé. Arrivée à destination, elle se fit indiquer la maison du médecin de la localité. On lui dit de prendre par une petite rue près de l'auberge des Trois Pains de Sucre. L'habitation était d'assez bonne apparence. Le vieux docteur Jebb l'avait laissé en mourant à son fils ainsi que sa clientèle. Jebb Junior était marié depuis longtemps et père d'une nombreuse famille. Sa femme gardait pour lui seule toute la dose d'amabilité qu'elle avait reçue en partage. Elle n'avait qu'un souci, celui de flatter les goûts de son seigneur et maître. Comme il était très fort sur sa bouche, comme on dit vulgairement, elle ne dédaignait pas de surveiller elle-même la confection des mets spécialement préparés pour lui. Et en ce faisant, elle se trouvait en contact constant avec ses servantes, qui la déclaraient exigeante, radoteuse, regardante, en un mot, ennuyeuse comme la fumée. De là, des reproches, des querelles, bref, une révolution domestique permanente et une marmite continuellement renversée. Voilà la peinture exacte de cet intérieur. Telle était la situation le jour où Jeanne Barnard se présenta chez le docteur Jebb. Une grande fillette aux vêtements trop courts et étriqués vint en courant ouvrir la porte. « Papa est sorti, mais maman est ici. Si vous désirez lui parler, peut-être venez-vous vous proposer comme servante ?»« Si cela ne dérange pas votre mère, je serai en effet désireuse de lui dire un mot à ce propos. Maman est à la cuisine et je vais aller la chercher. Passez, je vous prie, dans la salle à manger. » Une odeur de victuailles frappa le nerf olfactif en entrant dans cette pièce. Deux gros morceaux de charbon brûlaient dans la grille, et de l'eau à l'état d'ébullition sifflait dans une bouilloire monumentale en cuivre. Devant le foyer, un magnifique chat étendu tout de son long faisait ronron. Deux vastes pantoufles de feutre, placées près d'un grand fauteuil de cuir, indiquaient la large part de confort faite chez lui, au docteur. L'aspect de cette pièce, où tout attestait des mœurs patriarcales et douces, fut pour Jeanne Barnard son chemin de Damas. Il lui sembla que la situation de servante chez le docteur Jebb lui offrait une occasion unique de pénétrer la vérité. Son parti était pris quand Madame Jebb entra. Celle-ci, après un interrogatoire digne d'un juge d'instruction, consentit à gager Jeanne Barnard. Il fut stipulé qu'elle reprendrait sa liberté d'action au bout de 2 mois et que dans ce laps de temps, on lui accorderait 1 ou 2 jours de congé pour régler des affaires d'intérêt déjà en bonne voie d'arrangement. Madame Jebb, après avoir donné un dernier adieu à Jeanne, la congédia en lui disant qu'elle l'attendrait le lendemain sur le coup de midi. Jeanne ne fut pas plutôt entrée au service de la maison qu'elle s'en félicita vivement, car aux heures des repas, le docteur et sa femme ne se faisaient pas faute de causer ouvertement devant elle des clients et des clientes. Un jour arriva le tour de Sir Everard. Madame Jebb demanda à son mari s'il n'entendait pas parler du retour du châtelain de Fairview. S'il est vrai qu'il soit parti pour cause de santé, il ne reviendra pas avant le mois de mai, répondit-il à sa femme. « Comment pouvez-vous en douter ? » répliqua Mme Jebb. « Que voulez-vous dire, mon cher ?»« Certainement, je n'affirme rien, » reprit le docteur, « et vous comprendrez pourquoi. Jamais je ne lui connus le moindre symptôme de maladie pulmonaire. Or, voilà qu'un beau matin, il va consulter à Londres, et il en revient en disant qu'on lui a ordonné un séjour dans le midi de la France d'abord, ensuite en Algérie. C'est tellement manqué aux égards que l'on doit à son médecin habituel que je ne puis m'empêcher de soupçonner là-dessous quelques machinations. Vraiment, laquelle ? Je me bornerai à vous dire que certains mariages ne se fera pas. Quel mariage ? Combien vous êtes peu clairvoyante, Émilie ! Parbleu, celui de M. Blake et de Miss Courtenay. Y songez-vous, mais ils s'adorent, ils en mourront de douleur. On s'adore toujours avant le mariage, et sachez qu'on ne meurt jamais d'amour. C'est un genre de décès qu'il ne m'a pas encore été donné de constater. Il était écrit que tôt ou tard l'antagonisme, la haine, qui existe à l'état latent entre le père et le futur gendre, se ferait jour, et qu'il y aurait rupture. Ah, la fortune, l'opulence, un nom, la jeunesse, la beauté ne préservent pas de la piqûre du serpent. Et le serpent a passé par là, avec la trace blanche argentée que laisse le reptile après lui. Jeanne Barnard, tout en paraissant uniquement absorbée par son service, n'avait pas perdu un mot de la conversation. Elle ne put malheureusement en entendre davantage ce jour-là, un violent coup de sonnette l'ayant inopinément forcée d'aller ouvrir. Elle revint avec un pli apporté en toute hâte au docteur. Sa présence était réclamée au plus vite à Tingley par Miss Dora Blake, qui croyait son neveu atteint de la fièvre typhoïde. M. Jebb absorba un dernier verre de sherry, décrocha son paletot, prit son chapeau, disant à sa femme « Eh, ne vous l'avais-je pas bien dit ?» Et voilà comment on parvient, en payant d'audace, à établir sa réputation de prophète.